Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes à notre troisième vidéo déjà. Et nous allons regarder ensemble ce matin le premier chapitre aux Philippiens, le verset 9 jusqu'au verset 11. Notre bon Père du ciel, merci que ta grâce est suffisante en toute occasion. Merci que ta grâce poussait Paul à chanter en prison, poussait Paul à se réjouir, à rendre grâce, à te servir. Grâce merveilleuse. Aide-nous à comprendre encore ce matin l'œuvre que tu fais en nous, l'œuvre que tu fais dans le monde. Amène-nous à comprendre que tu es, en ce qui concerne l'importance, bien au-delà de nous, bien plus haut que nous, infiniment plus important que nous. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. On a vu la première fois l'introduction, Paul visite d'Épaphrodite, reçoit des nouvelles, retourne Épaphrodite quelque temps plus tard avec une lettre pour l'église de Philippe. C'est ce que nous étudions ce matin en regardant ce qu'il a écrit à ces gens. On a vu ensuite qu'il rendait grâce. Il a rendu grâce pour les Philippiens, pour leur conversion, pour leur implication, pour leur persévérance, pour la grâce de Dieu en eux, pour l'amour de Dieu pour eux. Paul était rendu grâce à Dieu de l'œuvre qu'il faisait dans la vie des Philippiens. Mais vous savez comme moi, on ne peut pas rendre grâce à Dieu pour le salut de quelqu'un d'autre sans rendre grâce à Dieu pour le nôtre, premièrement. Hein? Vous ne serez pas des gens qui glorifient Dieu pour la grâce de la vie de Dieu en d'autres personnes si vous n'êtes pas porté, vous, hein, rendre grâce à Dieu pour votre propre salut, pour son implication dans votre vie, pour tous les bienfaits qu'il fait dans votre vie, pour tout le grand destin qu'il a pour vous. Et ce matin, nous allons voir, après avoir rendu grâce, Paul va prier pour les Philippiens. Lisons ensemble notre texte, verset 9 jusqu'au verset 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Les prières de Paul ont changé ma vie de prière à moi il y a une vingtaine d'années. À un moment donné, j'étais troublé par ma vie de prière. J'étais troublé par la vie de prière des croyants qui m'entouraient. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les prières de l'apôtre Paul, une après l'autre, tout ce que je pouvais trouver qu'il avait prié, qu'il avait demandé, les requêtes qu'il avait faites, les actions de grâce qu'il avait faites, les louanges qu'il avait faites, et je les ai toutes regardées, analysées, et ça a changé ma vie de prière. Et donc ça, c'est une des prières que j'ai faites, que j'avais examinées, je veux dire, quand j'avais fait ça il y a une vingtaine d'années. Sa requête, c'est celle-ci. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Mais cet amour-là, pour qui ou pourquoi? De quoi parle-t-il ici? Et je veux que votre amour augmente. Donc, il est possible que l'amour augmente. Mais d'abord, il faut l'avoir, l'amour. Il faut que cet amour-là augmente. Et Paul prie pour que l'amour des croyants augmente. Donc, il présume qu'ils ont l'amour dont il parle, lui, et il voudrait qu'elle augmente de plus en plus. On avait vu hier un petit peu qu'il rendait grâce à Dieu d'aimer les croyants à travers lui. Il dit, je vous aime d'une tendresse qui est en Jésus-Christ. Nous allons voir dans les versets de quoi il parle. De quelle sorte d'amour dont il parle. Mais l'amour, chez nous, c'est pas inné. C'est pas que nous sommes des gens qui aiment par nous-mêmes. Si ce serait ça, ben, on n'aurait pas besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne de l'amour et qu'il nous aide à augmenter l'amour. Si ça serait naturel en nous, on pourrait demander à Dieu, « Dieu, aide-moi à me servir de l'amour qui est en moi, de mes capacités, de mes possibilités, de tout mon intérieur, donne-moi d'aimer les gens autour de moi. » Mais c'est pas ça que l'apôtre Paul prie. Il dit, « Je demande à Dieu de vous aider à aimer de plus en plus. » Que votre amour, donc, si mon amour augmente, ben, je vais aimer plus aussi. Pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire, il dit qu'elle augmente en connaissance et en pleine intelligence. Ouh! Un amour intelligente. Mais la connaissance de quoi ou de qui? S'il veut que j'augmente mon amour, il faut que j'augmente automatiquement ma connaissance de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, je suggère qu'il parle d'une connaissance de Dieu, une connaissance de l'Évangile de Dieu, du message de Dieu, de l'envoyé de Dieu qui était Jésus-Christ. C'est pas pour rien que Jésus a dit lui-même, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Donc, il dit, je veux que votre amour augmente, mais pour que votre amour augmente pour Dieu, il faut que votre connaissance de Dieu augmente. Et ce dont il parle ici, quand il dit, je veux qu'elle augmente en pleine intelligence. Il ne parle pas ici de notre QI, de notre quotient intellectuel. Parce que je l'ai de naissance. Je peux avoir un 140 ou un 100 ou un 60. Je suis né au monde comme cela. Il y en a qui en ont des plus grandes capacités intellectuelles que d'autres. Mais il parle d'intelligence de la capacité de prendre les vérités, la connaissance, et l'appliquer dans la vie. L'intelligence d'utiliser les vérités de la connaissance de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour aimer Dieu et les gens autour de nous. Donc, il dit, « Je prie pour que votre connaissance augmente en pleine intelligence. » Et si votre connaissance augmente, vous allez aimer plus. Donc ici, il ne parle pas de coup de foudre, il ne parle pas de tomber en amour, il ne rencontre pas les slogans du cinéma qui dit « Quand je l'ai vu, je savais que je l'aimerais toujours. » Il ne parle pas de ce genre d'amour-là ici, hollywoodien. Il parle d'un amour qui est engendré dans le cœur du croyant par la connaissance de Dieu. Plus j'augmente ma connaissance de Dieu, plus j'aime Dieu, plus j'aime ceux qui appartiennent à Dieu, plus j'aime l'œuvre de Dieu, et cet amour-là, qui va augmenter en moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, elle va m'aider à avoir du discernement. Si j'augmente ma connaissance, avec une pleine intelligence, je vais discerner les choses les meilleures. Pas les choses meilleures pour acheter à mon conjoint quand c'est sa fête. C'est pas ça dont il parle ici. C'est pas les choses meilleur pour que mon conjoint ou mes enfants se sentent bien. Il parle du discernement des choses les meilleures en comparaison avec les choses mauvaises. Parce qu'il dit bien, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Donc, le but d'augmenter mon amour en pleine connaissance et en pleine intelligence, c'est que je puisse discerner les choses qui vont me garder pur et irréprochable devant Dieu pour le jour où que Jésus-Christ va venir me chercher ou qu'il va revenir sur la terre. C'est de ça dont il parle ici. Il dit, je prie que votre amour pour Dieu augmente afin que quand il va venir vous chercher, vous soyez pur et irréprochable. Donc, il ne parle pas ici d'autre chose que vous soyez des enfants de Dieu, des chrétiens, que vous soyez des gens pardonnés, des gens régénérés, des gens qui ont la vie éternelle, des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Parce que si je ne suis pas pur et irréprochable au jour du Seigneur, je suis condamnable. C'est pas ici, je pense pas qu'il parle ici de si je suis pas pur et irréprochable au jour du Seigneur, ma couronne va être moins grosse dans le ciel. Ma récompense va être moins grande. Je pense pas que c'est ça dont il parle ici. Avec le restant de l'épître, on va voir, c'est pas ça dont il parle ici. L'Église était en conflit, on a vu ça un petit peu dans l'introduction. Il y avait des chiens parmi eux qui voulaient les entraîner loin de l'enseignement de l'apôtre Paul, qui dénigraient Paul, qui voulaient mettre de l'emphase sur les œuvres, sur le judaïsme, sur la loi, sur autre chose que Jésus-Christ. Donc il dit, je prie pour vous, afin que votre connaissance augmente. Afin que vous aimez Dieu, que vous restez attachés à Dieu, que vous discerniez les choses qui sont vraies en comparaison avec les choses qui sont fausses, que vous discerniez ceux qui vous enseignent selon Dieu et ceux qui ne vous enseignent pas selon Dieu. Il va les exhorter plus loin dans l'Épître à rester attachés à ceux qui sont comme lui, qui l'imitent, qui enseignent la même chose que lui, comme Timothée ou Épaphrodite. Il dit, je prie que votre amour augmente en pleine intelligence et en pleine connaissance, afin que vous discerniez les choses les meilleures et afin que vous soyez purs et irréprochables au jour du Seigneur. Il dit ensuite au verset 11, « Afin que vous soyez remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. » Donc, il dit, je ne voudrais pas que vous soyez trouvés au jour du Seigneur avec quelque chose en vous, avec une justice en vous qui ne vient pas de Jésus-Christ. Si vous avez une justice en vous qui ne vient pas de Jésus-Christ, vous allez être condamné. C'est ce qu'il va dire un peu plus loin dans le chapitre 3. J'ai rejeté, j'ai regardé comme de la boue tout ce qui aurait pu vouloir me justifier autrement que par la justice qui vient de Jésus-Christ. C'est ça, il dit, que je veux que vous compreniez dans cette lettre-là. Que votre justice vienne uniquement, totalement, seulement qu'en Jésus-Christ. Et si elle vient uniquement, totalement en Jésus-Christ, vous allez glorifier Dieu. Vous allez louer Dieu dans votre vie. Vous allez rendre grâce à Dieu dans votre vie. J'ai été longtemps, frère et sœur, dans ma vie chrétienne, où j'ai performé. Je voulais produire une certaine forme de justice en dehors de Jésus-Christ. Je voulais produire des œuvres. Oh, qui étaient très évangéliques, qui étaient très chrétiennes, ces œuvres-là. Qui n'étaient pas mauvaises en soi. Mais qui devenaient mauvaises parce que Jésus les utilisait pour me justifier, pour me glorifier, pour me rendre acceptable, agréable auprès de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire, que je peux dire, pour me rendre agréable, pour me rendre juste aux yeux de Dieu. Tout vient de Jésus-Christ. Et quand c'est comme cela, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Jésus-Christ. On loue notre Dieu. On loue notre Dieu devant nos épouses, devant nos enfants, devant nos amis, devant les chrétiens, devant les inconvertis. Parce que vous savez, l'évangélisation, c'est rien d'autre que de la louange exprimée devant des inconvertis au lieu que devant les chrétiens. On exprime devant les inconvertis à la louange de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans notre vie. Frères et sœurs, ça c'est des prières bibliques, des prières évangéliques, des prières qui viennent de Dieu, qui sont stimulées par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Voyez-vous, qu'est-ce que Paul y prie? Paul y prie pour les chrétiens. Parce qu'il sait que si les chrétiens augmentent leur amour en pleine connaissance et en pleine intelligence, Dieu va être glorifié de plus en plus. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que nous sommes purs, irréprochables, remplis de justice, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour ta louange, pour ta gloire, pour te servir, maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié. Amen.